aussi des régions. Pero también podemos tener regiones. Donc vous pouvez faire ça avec le talon de la main. Lo podéis hacer con el talón de la mano. Ou avec la paume de la main. O con la palma de la mano. Donc ça vous permet d'aller plus vite. Donc on va vous demander là dans le TP de le faire d'abord globalement. En la práctica, os vamos a pedir que lo hagáis globalmente. Et quand j'ai globalement il y a une perturbation. Y cuando globalmente hay una perturbación. Ben je passe à l'analytique. Pasáis a l'analítico. Ou avec les compressions. O con la compresión. Ou avec l'inspiration. O con la inspiración. Si jamais vous avez deux grandes régions perturbées, si a veces tenéis dos grandes regiones que están perturbadas, vous pouvez toujours faire des interrelations. Podéis hacer las interrelaciones. Donc, c'est hypomobile au niveau de ma main caudale et hypomobile au niveau de ma main céphalique. Si es hipomóvil en mi mano caudal y es hipomóvil a nivel de mi mano cefálica, je stimule avec ma main. Estimulamos con mi mano cefálica. Et je teste avec ma main caudale. Y testamos con la mano caudal. Si j'ai retrouvé de la mobilité. Si vuelvo a encontrar la movilidad. Ça veut dire que a priori la dysfonction elle est sous ma main céphalique. A priori lo que significa esto es que la disfunción está bajo mi mano cefálica. D'accord? On peut faire aussi des compressions analytiques. Donc, on voit que vous connaissez. Et après, bah, vous adaptez la stimulation spécifique. Donc, on a un test des baropresseurs. Quand vous faites un médium interne habituellement, vous mettez trois doigts pour faire un médium interne. Trois, quatre doigts en fonction de la taille du pied. Tres o cuatro, depende de la taille du pied. Et là, vous allez essayer le doigt qui apporte la réponse optimale. Et entonces, ahora, lo que vais a intentar hacer es. Mirad qué dedo es el que os va a dar la respuesta óptima. Vous allez préciser votre stimulation. Vais a ser más precisos en vuestros estímulos. Et ça doit potentialiser vos résultats thérapeutiques. Y esto debería de potencializar vuestros resultados terapéuticos. Et après, bah, vous allez vérifier évidemment sur la région qui est dysfonctionnelle. Y luego lo vais a verificar en las zonas que estén disfuncionales. Donc, on doit restaurer. La stimulation doit restaurer la mobilité au niveau de la région. Vais a restaurar la mobilidad. Restaurer la mobilité au niveau de la vertèbre ou de la côte concernée. Eso es, tenéis que restaurar la movilidad a nivel de la vértebra o la costilla que está en disfunción. Que vous le fassiez donc en compression ou avec le test inspiratoire. Lo podéis hacer con la compresión o con el test inspiratorio. ¿De acuerdo? Vous pouvez avoir des résultats dans les deux. Donc, c'est toujours la même chose. Peu importe le test qu'on utilise. No importa el test que vayáis a utilizar. Tiene que ser lo mismo. Ok. Donc, ce que je vous propose. Pardon. Cuando hacemos el test inspiratorio y hay una disfunción, también podemos hacerlo. Decimos, bueno, ¿y aquí dónde hay que poner el elemento? ¿A la derecha o a la izquierda? Podemos hacer este test inspiratorio a la derecha y a la izquierda de las vértebras, y entonces normalmente suele haber un lado que es disfuncional y el otro no. Pues en el lado que sea disfuncional, donde se acerquen los pulgares, es donde vamos a colocar el estímulo. Nos da la pista de en qué pie poner el estímulo. ¿Vale? ¿Puede ser que quede una vértebra que sea funcional y una costilla que no sea funcional? Descripta a nivel que una vértebra funcional y una costilla que ¿qué me has dicho? Sí, una vértebra funcional y una costilla. Vale, el vértebra que funcione es la voz que va a funcionar. Et alors, au niveau thérapeutique, ça va faire quoi? Ah, c'est la thérapeutique, c'est pas la que tu vas servir.